Bismillahirrahmanirrahim. Donc nous poursuivons le dernier fossile que nous avons pris, qui était que les gens de la Sunna n'appellent pas au taqlid, ni au tamadhub. Le tamadhub, c'est le fait de suivre les écoles juridiques comme ils le traduisent, comme le fait de se dire hanbali, de comprendre la religion selon la compréhension de l'imam Ahmed dans le fiqh, de se dire shafi'i ou hanafi ou ghayzalika. Naam. Tayyib. Et ce taqlid, par rapport à ce que l'auteur va citer, amène également à un autre poison qui a malheureusement contaminé cette Oumma en cette époque, qui est At-Tahazzub, l'esprit de Hizbiya. L'esprit de Hizbiya, l'esprit de parti. C'est-à-dire le fait de s'unir sur une idée, de s'allier et de se désavouer pour une idée autre que la vérité. Même si des gens laissent apparaître la vérité, tu les verras avoir une alliance avec d'autres personnes qui sont d'accord avec eux sur un point particulier. Et ce point particulier, il n'y a pas une chose dans laquelle Allah Azza wa Jalla nous a appelé à s'unir. C'est-à-dire, si tu es d'accord avec lui, il va être ton partenaire, ton allié, même si tu t'opposes à lui sur d'autres points. Mais si sur ce point-là, tu es d'accord avec lui, il va rester avec toi et fermer les yeux sur toi et te prendre comme ami. Alors qu'à la base, vous avez beaucoup, beaucoup de choses qui ne coordonnent pas. Donc le tahazzub, contrairement à ce que des gens s'imaginent, ce n'est pas forcément un petit groupe fermé entre eux. Les Hizbis sont les plus nombreux. Les Hizbis sont plus nombreux que les Salafis. C'est le fait qu'ils s'unissent sur une chose, sur une idéologie, ça peut être sur plein de choses différentes, et ils s'allient dessus et se désavouent pour cette idéologie-là. Et ils ferment les yeux sur tout le reste. C'est-à-dire qu'ils ne s'aiment pas pour Allah Azza wa Jal, mais ils s'aiment pour cette idéologie-là. Ils ne se désavouent pas pour Allah Azza wa Jal, mais se désavouent pour ceux qui ne sont pas dans l'idéologie là. Et cette idéologie n'est pas une chose, comme nous l'avons dit, à laquelle Allah Azza wa Jalla a appelé à faire cela. Alors qu'à la base, on doit s'aimer pour Allah, se désavouer pour Allah. Mais là, ce sont des choses qui sont externes à ce point-là. En gros, la Hizbiya amène à cela. Quand là, donc ce taqlid, pour arriver là, les gens vont se mettre à suivre un individu, particulièrement s'accrocher à lui, ce qui va s'amener à ce qu'ils vont se renfermer par rapport à lui, ne voir que par lui, n'accepter que de lui. D'accord ? Quoi qu'ils disent, il aura raison. Et si on parle sur lui, on sera pris comme ennemi, même si on lui reproche des choses qui sont réelles, et ainsi de suite. Et cela amène au tahazzub. La hizbiya. Wa da'watu al-sunnati tuhazzir aydan min al-tahazzub. Lianna al-hizbiya al-ba'idha fiha adrar. Donc les gens de la sunna également mettent en garde contre le tahazzub, l'esprit de parti. Car celle-ci, cette hizbiya détestable, contient beaucoup de nuisances. D'abord, cette hizbiya, elle peut être politique, comme les partis politiques, et elle peut être religieuse également. Ne pas croire qu'un Hizbi, c'est forcément quelqu'un qui est, par exemple, de tel parti politique, de tel parti politique. Même dans la religion, parmi les gens de la Darwa, tu vas trouver cet esprit-là de parti, entre eux. Ils sont fermés entre eux sur une chose, et s'aiment pour cette chose-là, et se désavouent pour cette chose-là. Et la Hizbiya en elle-même, la seule qui soit louable, et celle à laquelle Allah Azza wa Jal l'a appelée, elle a une Hizbollah humul muflihun. Ce sont ceux qui s'aiment pour Allah Azza wa Jal, et se déteste pour Allah Azza wa Jalla et se tient sur sa religion droite. Cette Hizbiya-là en elle-même, elle est louable et elle est demandée. Il y a matlouba shal'an. Qala, tafarruqat al-muslimin wa tamziq al-muslimin. Wallahu subhanahu wa ta'ala yakul, inna hadihi ummatukum ummatan wahida wa ana rabbukum fa'budun. Donc cette Hizbiya, tout comme le tamadhub, ont contribué à diviser la communauté et à la déchirer. Dans le sens où Allah a dit, et certes, cette communauté est une seule communauté, et je suis votre Seigneur, alors adorez-moi. Al-Anbiya, les prophètes, verset 92. Fa'adhi al-umma wahida, kitabuha wahid, wa kiblatuha wahida, wa nabiyuha wa rasuluha wahid, walakin al-hizbiya jahalathum shazara wa madhar. Donc cette umma est une seule umma unique. Son livre est un seul livre. Sa qibla est une seule qibla. Leur prophète est un seul prophète. Cependant, al-hizbiya les a déchirés et les a mis en lambeaux et en pièces. Donc maintenant, cela ne veut pas dire qu'on doit aimer tout musulman du fait qu'il soit musulman. Non. Notre umma doit se tenir sur une voie droite, sur le sens d'Allah Azza wa Jal, d'avoir une bonne croyance, d'avoir une bonne compréhension et d'avoir une bonne application. D'accord ? Ce n'est pas tout musulman qui est forcément une personne qu'on va aimer, comme on va aimer un pieux droit qui obéit. Parmi les gens de l'islam, il y a des foussacs, des pervers, comme vous le savez. Il y a des innovateurs, comme vous le savez. Et ces gens-là auront droit à un traitement particulier par rapport à leur déviance et par rapport à leur désobéissance. Après, il cite à différents adorateurs de la Hizbiya que l'on peut trouver dans Al-Mabajid Mufida de Shaykh Yahya Al-Hajouri, pour raccourcir, on va pas le citer ici. Pour ceux qui veulent entendre cela, qui reviennent aux cours audio qui ont été faits par rapport à ce livre dans les douze de la fin. Et il conclut en disant qala wal khurasa anna al hizbiyata fiha khuturatan ala al muslimin. Anna al hizbiyata fiha khuturatan ala al muslimin. وما دخلت على المسلمين الا بتخطيط من اعدائهم لاضعاف المسلمين وافشالهم والله تعالى يقول ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا ان الله مع الصابرين. Cette hizbiya en réalité a été inspirée par les amis de la religion afin de les diviser, car ils savent que s'il y avait cette communauté sunnie sur sa religion réellement sincèrement, ils seront les vainqueurs, et eux ils ont peur de cela. Donc qu'est-ce qu'ils viennent avec différents procédés? Et parmi ces procédés, le fait d'inclure cette hizbiya dans la communauté et de nous diviser, tout comme ils ont divisé nos pays, nos frontières, nos gouverneurs. Et ils ont divisé nos cœurs. Et cela à cause de nos péchés, bien évidemment. Et bien également, ils incluent parmi leurs procédés employés cette hizbiya afin de nous diviser encore plus. Pour appliquer leur règle qui est diviser pour mieux régner. Diviser pour mieux régner. Donc cela fait partie de leur complot, de leur plan. Afin de nous faire échouer. Car dans le sens, Allah il dit... Et ne vous disputez pas, car vous serez amené à échouer et que votre force s'en irait. Et patientez, certes, Allah est avec les patients. Naam. Al-Anfal, le butin, verset 46. Donc là, c'était la partie qui était ajoutée au force précédent, qui est que la da'wah des gens de la sunna n'appelle pas au taqlid, et également encore moins à la hizbiya, qui est la hizbiya, une bid'a. Purement, hein, on parle de la hizbiya qui est mabrouda, qui est celle qui est autre que pour Allah Azza wa Jal. Naam. فبهذا القدر نكتفي والحمد لله رب العالمين.